7. Les règles de bienséance dans le voyage. Chapitre 166. La recommandation de partir en voyage le jeudi et de bon matin. 956. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, prit la route pour l'expédition de Tabouk un jeudi et qu'il aimait partir en voyage le jeudi. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, il partait en voyage le plus souvent le jeudi. 957. D'après Sakhr ibn al-Wada'a, al-Ruhamidi, l'un des compagnons, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ô Allah, bénis les œuvres accomplies par ma communauté de bon matin. » Or, il avait l'habitude d'envoyer les troupes et les armées en expédition au tout début de la journée. Sakhr, le narrateur, était commerçant. Et il expédiait sa marchandise de bon matin. Son commerce prospéra donc et il fit fortune. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».